Est-elle jolie, ta femme du monde, au moins ? Demanda la cantatrice, en essayant pour première aumône de distraire Hulot, dont la douleur la navrait. « Ma foi, presque autant que toi, » répondit finalement le baron. « Eh bien, farce, m'a-t-on dit, que faisait-elle donc ? Est-elle plus drôle que moi ?»« N'en parlons plus, » dit Hulot. « On dit qu'elle a enguirlandé Montcrevel, le petit Steinbock et un magnifique Brésilien. C'est bien possible. Elle est dans un hôtel aussi joli que celui-ci, donné par Crevel. Cette gueuse-là, c'est mon prévôt, elle achève les gens que j'ai entamés. Voilà, vieux, pourquoi je suis si curieuse de savoir comment elle fait. Je l'ai entrevue en calèche au bois, mais de loin. C'est, m'a dit Carabine, une voleuse finie. Elle essaie de manger Crevel, mais elle ne pourra que le grignoter. Crevel est un rat. Un rat bonhomme qui dit toujours oui et qui n'en fait qu'à sa tête. Il est vaniteux, il est passionné, mais son argent est froid. On n'a rien de ces cadets-là que 1 000 ou 3 000 francs par mois, et ils s'arrêtent devant la grosse dépense, comme des ânes devant une rivière. Ce n'est pas comme toi, mon vieux. Tu es un homme à passion, on te ferait vendre ta patrie. Aussi, vois-tu, je suis prête à tout faire pour toi. Tu es mon père, tu m'as lancé, c'est sacré. Que te faut-il ? Veux-tu 100 000 francs ? On s'exterminera le tempérament pour te les gagner. Quant à te donner la pâtée et la niche, ce n'est rien. Tu auras ton couvert mis ici tous les jours. Tu peux prendre une belle chambre au second, et tu auras 100 écus par mois pour ta poche.